Merci beaucoup. D'abord, dans le diaporama, j'ai mis beaucoup de citations, donc les traducteurs ne traduiront peut-être pas, mais qui permettront d'alléger un petit peu mon intervention pour ainsi respecter le temps, même si on dit, et peut-être qu'il y a une petite marge de manœuvre. J'ai dans le doute. Donc, la sexualité est avant tout une rencontre, et parce que justement c'est une rencontre, elle inquiète et elle fascine à la fois les autorités coloniales. Et sur ce point, le Vietnam, et particulièrement le nord du Vietnam, le Tonkin, sur lequel je m'attardais, ne fait pas du tout exception à cette règle. On est bien d'accord que les autorités sont incapables de surveiller l'ensemble de la sexualité, mais elles se concentrent sur un domaine spécifique et particulier, la prostitution, d'autant plus que dans le cas français, la France a des outils réglementaires en métropole qu'elle va transposer dans la colonie, à savoir le dispensaire et la réglementation de la prostitution. Ce qui intéresse avant tout les autorités, c'est la rencontre entre les colonisateurs et les colonisés. Et si la prostitution domestique, c'est-à-dire des clients vietnamiens pour des prostituées vietnamiennes, reste largement ignorée volontairement par les autorités, en revanche, certaines vietnamiennes, en contact avec les colonisateurs, sans être officiellement des prostituées, sont parfois soumises à la même réglementation de la prostitution. Je vais donc prendre l'exemple des chanteuses à la fin des années 1930 au Tonkin, pour faire comme une étude de cas, pour montrer que la gestion de la prostitution n'est pas une simple question de mœurs, mais c'est une question politique qui participe à l'affirmation de la domination coloniale. Et l'élargissement problématique de la réglementation de la prostitution, qui pose la question est-ce que les chanteuses sont des chanteuses, des artistes, ou véritablement des prostituées, a provoqué un débat au sein des autorités coloniales, ce qui prouve que cette définition de la prostitution est à géométrie variable et qu'elle sert à réguler la rencontre coloniale. Donc ce seront les trois points qui sous-tendront mon intervention. Donc, alors je vous mets des cartes parce que je suppose que le Tonkin, ce n'est pas forcément votre zone géographique la plus connue. Donc, en 1938, c'est vraiment là où commence ce problème des chanteuses qui apparaît de façon extrêmement évidente dans les archives. Ce problème, pour reprendre le terme de l'époque, a en fait des racines beaucoup plus anciennes, puisque la question a déjà été soulevée en 1926, puis en 1932, dans la ville de Son Thai, donc je vous pouvez le retrouver. Et alors, juste parce que la question est très claire du loin, Hanoï, c'est ici la capitale du Tonkin, et vous avez ici donc, le golfe du Tonkin, qui est antique. Donc, le problème démarre dans cette ville, deux fois. Vraiment, on pose le problème, on parle de contamination, on parle de danger présenté par la prostitution exercée par les chanteuses. Donc par danger, il faut entendre danger vénérien, danger médical, danger sanitaire. Et le résident demande en fait que cette profession soit interdite sur tout le territoire du Tonkin et que les chanteuses deviennent officiellement des prostituées et qu'on les soumette à la même réglementation. En 1938, donc c'est en 1932, en 1938, il est toujours question des chanteuses de cette même ville. Et en fait, on voit que la situation n'a pas été réglée entre 32 et 38, puisque toutes les chanteuses ne sont pas des prostituées, donc on ne peut pas leur appliquer la réglementation. Donc c'est à partir de ce moment-là, en 38, que va vraiment commencer un débat au sein des autorités coloniales sur qu'est-ce que c'est que la prostitution et jusqu'à quel point on doit l'élargir. Donc ça, c'était le premier temps de cette étude de cas qui pose le problème. Le problème rebondit, en fait, au sud de Hanoï, à Nam Bình, ici, où les chanteuses écrivent aux résidents supérieurs du Tonkin pour se plaindre des mesures prises par le résident de la province suite à la contamination vénérienne de jeunes gens et militaires européens, je reviendrai sur ce point qui est important, par des chanteuses. Donc elles protestent, elles en réfèrent à la dignité de leur profession, de leur métier ancestral, et elles rappellent que les chanteuses ne vendent que leur chant et pas leur corps. Donc, le résident au Tonkin demande des informations au résident de la province qui lui répond que pour lui, les chanteuses sont des prostituées de facto et la preuve, selon lui, c'est qu'il y a une baisse constante du nombre de prostituées qui correspond à une augmentation permanente du nombre de chanteuses, comme s'il y avait un transfert, en fait, d'une catégorie à l'autre pour échapper à la réglementation que les prostituées refusent largement. Pour compliquer un petit peu les choses, il y a un troisième acteur qui intervient dans la ville de Ninh Bình. où le résident, en fait, déplore une augmentation de la profession, du nombre de chanteuses dans sa ville, suite justement à ce qui s'est passé à Namdine. Les chanteuses ont quitté la ville et se sont installées dans la ville de Ningbo. Donc lui, ça lui pose des problèmes. Donc il voudrait pouvoir prendre les mêmes mesures que celles qui ont été prises à Namdine et demande l'accord du résident supérieur qui le lui donne. Et là, il lui donne, mais après avoir donné son accord, il demande quand même l'opinion d'autres autorités, notamment le directeur de la santé, qui, lui, est tout à fait d'accord pour dire que oui, les chanteuses sont des prostituées. Donc jusque-là, le problème semble réglé. Sauf qu'en fait, le premier bureau donc, de la résidence dit que c'est absolument faux, les chanteuses ne sont pas des prostituées. Et en plus, les résidents de province n'ont pas le droit légal, juridiquement, d'inscrire les chanteuses sur le registre de la prostitution. Ça, c'est seulement le résident supérieur du Tonkin qui peut le faire. Donc, il y a un problème juridique qui se pose au-delà d'un simple problème de définition de ce qu'est une prostituée, ce qu'est une chanteuse. Donc, dernier moment, au nord de Hanoï, dans la ville de Baxin, quand le résident de la province approuve des mesures prises par le commissaire de la ville, le commissaire a décidé qu'il allait inscrire d'office toutes les chanteuses sur les registres de la prostitution et leur appliquer la même réglementation. Cette affaire a été provoquée par, encore une fois, la contamination d'un militaire, contamination vénérienne, par une des chanteuses de la ville. Le dossier se clôt sur cette lettre. On ne sait pas la réponse du résident supérieur, s'il a autorisé ou non les mesures prises par le commissaire, et on ne sait pas non plus le dénouement de l'affaire Namdine-Nimé. C'est le problème des archives auquel je pense que beaucoup d'historiens sont confrontés. Pour dépasser le problème de compétences administratives ainsi que les conflits d'opinion entre les différents organismes de la résidence, la solution semble avoir été le statu quo avec des adaptations locales. En 1944, le résident supérieur approuve le maire de Hanoï, on revient au centre du Tonkin, quand celui-ci lui rapporte avoir autorisé des rafles dans les maisons de chanteuses. Donc on prend les chanteuses, on les emmène au dispensaire médical, on fait passer une visite, et si elles sont malades, si elles ont une maladie vénérienne, on va les considérer comme des prostituées. Donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, il y a des arrangements avec les patronnes des chanteuses qui, qui ont assez mal pris les rafles quand même. Le rafle, j'utilise le mot qui était cité dans les archives, qui a un sens quand même assez fort. Et le résident donc approuve ces mesures tout en reconnaissant quand même qu'elles sont difficilement conciliables avec l'arrêté local du 22 mai 1939 qui interdit la prostitution dans les maisons de chanteuses, donc il fait une distinction entre chanteuses et prostituées. Donc l'expérience tentée doit conserver un caractère officieux. On voit bien l'idée d'un statu quo juridique avec de nombreuses adaptations locales. Tant que ça ne choque personne, on peut bien faire un petit peu ce qu'on veut, pour résumer. Qui pose la question, est-ce que ce sont des chanteuses ou est-ce que ce sont des prostituées? Donc, je vais faire des échos avec ce que la première intervenante nous a dit sur les courtisanes en Inde. On retrouve un petit peu la même évolution pour les chanteuses, qui sont des courtisanes d'une autre époque, qui renvoient à une tradition chinoise de divertissement, au départ réservée à une élite, puisque les chanteuses sont censées être des femmes cultivées, qui vendent effectivement leur chant, leur art, mais pas du tout leur corps. Et c'est sur cette tradition que s'appuient les chanteuses de Namdine quand elles écrivent leurs lettres au président supérieur, en se comparant d'ailleurs aux danseuses françaises, ce qui, entre parenthèses, n'est peut-être pas la preuve la plus logique de moralité, mais bon, c'était pas forcément le meilleur exemple qu'elles pouvaient prendre, mais c'est intéressant aussi de voir, la capacité d'action de ces femmes vietnamiennes. Qui a été traduite en fait. Elles ont écrit en vietnamien, bien entendu. Donc, premièrement, capacité d'action, et puis aussi capacité de comparer leur situation avec notre profession métropolitaine. C'est quand même assez intéressant. Il y a un code vietnamien, le code Zalang, qui est promulgué en 1812, donc avant la colonisation, tend à confondre lui aussi les chanteuses avec les prostituées. Et les textes juridiques vietnamiens parle très peu des prostituées en insistant surtout sur la profession de chanteuse et en tendant à confondre un peu ces deux catégories qui, on voit bien que les choses ne sont pas claires, même du côté de la législation vietnamienne. Les chanteuses vietnamiennes semblent avoir connu la même évolution que leurs consoeurs chinoises ou que les courtisanes indiennes, puisque la colonisation amène des changements économiques et sociaux ayant une incidence sur la prostitution, à savoir une urbanisation croissante, les mouvements migratoires de la campagne vers les villes, la formation progressive aussi d'une classe moyenne vietnamienne à la recherche du plaisir, ou encore des mouvements d'émancipation féminine qui fait que les femmes veulent sortir des mariages arrangés, sortir de l'autorité parentale, etc. Ces changements provoquent la multiplication et la diversification des lieux de plaisir, des formes et des lieux de plaisir. Donc on a bien sûr les maisons de prostitution, officielles ou clandestines, les maisons chanteuses, les maisons de rendez-vous, les dancing, les garnis, etc. Donc, je vous ai mis ici deux citations d'auteurs vietnamiens, de journalistes vietnamiens qui se font largement l'écho de cette transformation en regrettant, bien entendu, le bon vieux temps où les courtisanes étaient une profession honorable et admirée. Comme on voit dans cette très longue citation, pour épargner les traducteurs, je ne vais pas la lire en entier, mais on voit bien qu'au départ, il existait donc des maisons de chanteuses dans lesquelles les anamites pouvaient aller passer agréablement la nuit. Peu à peu, les chanteuses furent doublées d'entraîneuses, de filles faciles. Et maintenant, ces maisons, donc c'est écrit dans la fin des années 30, sont pour la plupart, et j'insiste sur cette parenthèse, surtout celles fréquentées par les Européens. Donc on voit bien le passage aussi d'une clientèle vietnamienne, une élite vietnamienne, à une clientèle européenne qui n'est pas forcément celle d'une élite. Je pense notamment aux soldats. Donc ces maisons sont devenues de véritables bordels. Et si on n'y met pas le holà, je cite, « D'ici quelques temps, ces garces-là finiront par se faire barater dans la rue comme les ribaudes de l'ancien temps. » Donc, ce n'est pas une traduction de nos fêtes. L'auteur vietnamien a écrit en français. Dans la Nouveau est un journal du Tonkin, un journal très important, écrit par des Vietnamiens, mais écrit en français. Donc, je vous laisse aussi apprécier le style de l'auteur. Donc, le problème des chanteuses que j'ai précédemment évoqué attire l'attention des journalistes. Qui, en fait, se font aussi l'écho de cette volonté de généraliser et d'englober toutes les chanteuses dans la catégorie des prostituées. Ce qui pose la question, est-ce que les autorités ont le droit, et surtout, est-ce qu'elles peuvent englober, faire ce lien entre les deux professions ? Donc, le dernier point. Depuis le 3 février 1921, la prostitution est réglementée dans tout le Tonkin. Il y avait des règlements avant, mais qui étaient beaucoup plus locaux. Les principales dispositions, c'est l'inscription des prostituées sur les registres de la police en échange d'une carte individuelle et d'une visite médicale au dispensaire municipal. Est soumise à cette réglementation toute femme, je cite, faisant métier de son corps à tout venant et sans choix, moyennant une rémunération pécuniaire, la conviction de cet état peut être établie par tout moyen de preuve, celle contraire étant réservée à la personne intéressée, c'est-à-dire que la femme accusée d'être une prostituée doit prouver qu'elle n'est pas une prostituée. C'est à elle de faire la preuve du contraire, donc ce qui est assez difficile. Donc je vous ai mis ici différents critères. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est le numéro 4, la plainte directe de communication d'une maladie vénérienne confirmée par visite d'un médecin. Puisque dans l'affaire des chanteuses, à chaque fois, il était question de contamination vénérienne dans toutes les villes. La contamination vénérienne, finalement, la maladie vénérienne, c'est la preuve de la prostitution. Au Tonkin, la réglementation n'a pas réellement pour but de protéger toute la population. C'est surtout la population européenne et militaire qu'on entend protéger, puisque ce sont des populations clés qui permettent le maintien de la colonisation. On voit sur ces deux citations. Et c'est d'ailleurs très révélateur qu'en 1938, à Nam Dinh, le point de départ, c'est la contamination vénérienne de jeunes gens et militaires européens. À Bac Giang, en 1939, il s'agit de la contamination d'un militaire indigène. Dans tous les cas, c'est ça qui attire l'attention des autorités. Et c'est parce que sont concernés des militaires et des Européens que les chanteuses posent problème aux autorités. Et pour ça qu'elles veulent élargir la réglementation de la prostitution et inclure ces femmes. Alors que d'un autre côté, certaines femmes qui sont vraiment des prostituées sont au contraire ignorées par la réglementation. Je pense aux prostituées européennes que je cite... Pour de multiples raisons, bonnes ou mauvaises, le Tonkin fait tout pour éviter de mettre une Européenne en carte, puisque justement ces Européennes, donc ces femmes blanches, vont poser problème par rapport aux catégories raciales sur lesquelles repose le projet colonial. Puisque, et je cite, la prostitution européenne, c'est une expression qu'on trouve souvent, officiellement elle n'existe pas. Les chanteuses posent problème car elles peuvent transmettre des maladies vénériennes, mais aussi parce qu'elles sont visibles, très visibles dans la ville. Notamment à Hanoï, où il existe de véritables quartiers de chanteuses, comme vous avez le temps de la ville de Hanoï, en périphérie de la ville. Donc, je ne reviendrai pas sur la complexité administrative de Hanoï. Il faut savoir que Hanoï, c'est en fait une colonie. Elle a été cédée entièrement, c'est une municipalité française, alors que le reste du Tonkin est un protectorat, donc il n'y a pas la même réglementation. Qui explique en fait la mise en place, en périphérie de la ville, de nombreux, très nombreux quartiers de chanteuses. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir qu'aujourd'hui encore, ces zones-là sont les zones où on trouve ce qu'on a, que le chauffeur de taxi appelle les karaokés boum boum, et autres formes de lieux de prostitution. Et la présence de ces quartiers est le symbole du double visage de Hanoï, à la fois vitrine de l'ordre colonial, parce que capitale de l'Indochine française, et ce que Roger Brunet a appelé un anti-monde, c'est-à-dire un monde clandestin qui échappe largement aux autorités. Pour conclure très rapidement, les archives coloniales concernant la prostitution sont très incomplètes. Et le fait que j'ai pu retrouver ce problème des chanteuses et ce dossier des chanteuses montre bien l'importance que pouvait avoir la question de la prostitution pour les autorités. Puisqu'interviennent les résidents des provinces, le résident supérieur, le directeur local de la santé, les membres du premier bureau, etc. Au-delà d'une simple question de mœurs, la réglementation de la prostitution participe du projet colonial en protégeant ces populations clés que sont les Européens et les militaires. Donc, on impose à des femmes une réglementation extrêmement coercitive pour protéger les hommes. Et en tentant de créer une ville coloniale idéale, ces chanteuses posent effectivement un problème puisqu'elles sont beaucoup trop visibles. L'exemple ici présenté montre aussi les limites du pouvoir des autorités face à des phénomènes sociaux qui les dépassent largement et qui sont extrêmement indépendants de tous les règlements et de toutes les volontés de contrôle. Merci.